Manier n'étant de Bamako, nos émissions sont terminées. Monsieur Chéric Démetté à la partie technique, au micro Manon de Dynamique, vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain matin à 6h, mesdames et messieurs. Bonsoir.